c'est le grand astrologue de Berne. Écoutez-le. Au ciel visible, Mars entre au lion. L'ours est dressé, la gueule ouverte. Et le taureau baisse les cornes, prêt au bond. Je vois la guerre. Signe du ciel, une épée nue, brandie par une main coupée. À l'Orient, j'entends mugir un cor lugubre et retentir un nouveau chant de mort. Le moral de l'armée est excellent. Oh les cœurs, tous ensemble, courage! Déjà, il fuit là-bas comme un nuage. Je vois de l'or, du sang des morts, de l'or, de l'or, de l'or. Marchand de vent! Impie! Voyez qu'il a payé. Il n'ouvre la bouche que pour mentir et ne la ferme que pour taire la vérité. Hola! Je vois un messager là-bas, vers l'ouest, dans le couchant. Il fait un signe. Il crie. Écoutez! Alerte! Je l'entends! Il crie. Alerte! Franchir les frontières. Défendons-nous. Ce n'est pas nous. C'est le destin qui l'a voulu. Aux armes. Maintenant, que vois-tu venir? Ouvre les yeux! Vois l'énorme incendie, l'aurore de notre puissance. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient, et la nuit aussi. Sentinelle, guetteur aux yeux fermés, dès le matin clair et serein, au cœur secret de la lumière d'un beau jour, tu le savais. Tu nous avertissais. La nuit sanglante est descendue. Qu'apportera l'aurore maléfique? Oh, hélas! Oh, hélas! Oh, hélas! Ô tentation complice des courages, non pas le sang ni la défaite, Ce n'est pas là ce que tu crains pour ta patrie. Mais la victoire. Porteuse de discorde. Toi, notre saint dans la nuée d'orage. Ne cesse pas d'implorer Dieu pour nous.